Ce soir, devant le hangar du premier film, on attend le punk rebelle du cinéma français, le réalisateur Gaspard Noé. Il vient à l'Institut Lumière présenter son film Enter the Void, sorti en 2009. Certains n'étaient même pas au courant de sa venue. Mais non. Mais si, c'est pas vrai. Ah, dingue. Ah bah, encore plus content d'être là. Tom, étudiant en cinéma, se montre beaucoup moins enthousiaste. Je suis quand même content d'être là. Après, c'est vrai que c'est un festival qui est assez, je sais pas, élitiste, je sais pas si c'est le mot. J'ai l'impression que l'affiche qui doit être par là, où c'est marqué un festival de cinéma pour tous, c'est pas forcément vrai. C'est cependant l'occasion de voir sur grand écran certains films passés inaperçus à leur sortie. C'est le cas d'Enter the Void, un voyage psychédélique long de 3 heures sur fond de drogue dure. Un film qui tient particulièrement à cœur à son réalisateur. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est celui-là qui est peut-être le plus visuel et celui que j'ai mis le plus de temps à faire et qui m'a le plus fait rêver depuis longtemps. À la sortie de la séance, le personnage de Gaspard Noé n'a pas laissé indifférent. Personnage assez étrange. Je ne saurais pas trop quoi en penser exactement. En fait. Assez perché. Il y aura des films. Valentin, lui, a trouvé que Gaspard Noé et les autres réalisateurs du festival étaient très proches du public. Là, ils sont vachement proches de nous. On peut parler un peu avec eux, se prendre en photo, il n'y a pas de souci. On peut facilement approcher les gens. C'est ce qui me donne aussi envie de venir à ces séances. De nombreuses personnalités seront encore présentes aux projections jusqu'à la fin du festival, ce dimanche.